Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire qui se précipite joie. Nous allons visiter les musées. Plus exactement, nous allons visiter l'histoire des musées. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Qu'est-ce qu'un musée ? Selon Émile Littré, dans son dictionnaire de la langue française, le musée a pu désigner le temple élevé aux muses, ces 9 déesses qui, dans l'Antiquité, présidaient à la création aux arts. Mais depuis, le mot a changé de sens. Le musée n'est plus le lieu où les muses s'amusent, il est le lieu destiné à l'étude des beaux-arts, des sciences, des lettres. Disons-le, il est bien plus que cela. Le musée est aussi le lieu où s'accumulent objets d'art, objets rares, sculptures, peintures, mais ils nous aident à les comprendre. Oui, les musées servent à nous faire saisir ce que l'homme a créé. Alors précipitons-nous, les portes du musée sont ouvertes. Christophe Pomian, bonjour. Bonjour. Je vais vous poser une question évidente, simple, mais extrêmement difficile. Qu'est-ce qu'un musée ? Vous avez cité Littré, on aurait pu citer beaucoup d'autres définitions. Pour ma part, j'ai dit très simplement, les musées est une collection publique et séculière orientée indéfiniment vers l'avenir. C'est une collection, il n'y a pas de musée, du moins ainsi je l'entends, qui n'est pas une collection. C'est une collection publique, à la différence des collections particulières, elle appartient à une entité publique, et elle est ouverte au public, qui peut être définie de manière très variable. Donc elle est publique, elle est séculière, elle ne se trouve pas dans un lieu sacré, dans un temple, et c'est très important historiquement, cette sécularisation, et enfin, elle est prévue pour durer indéfiniment. Les objets que nous avons dans nos musées viennent d'un passé très profond, et nous les gardons avec l'intention de les transmettre à un avenir aussi éloigné que possible. Voilà pour la définition. Définition essentielle, Christophe Pomian. Vous êtes philosophe, essayiste, historien, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous avez publié autour de cette question du musée des ouvrages, des saintes reliques à l'art moderne, Venise, Chicago, 13e, 20e siècle. Et là, plus récemment, l'histoire mondiale des musées. Le musée, une histoire mondiale. Alors, c'est une trilogie. Le premier tome a déjà paru chez Gallimard, du trésor au musée. Et vous insistez bien sur cette idée de public. C'est public, le musée. C'est essentiel parce que dans la généalogie que vous tracez des musées, vous nous conduisez loin, loin. Avant le musée, il y a cette notion de trésor ou de collection. Non, c'est-à-dire qu'il y a deux notions. La notion de collection, c'est une notion englobante. Il y a différents types historiques de collections. Les trésors en est un, les musées en est un autre. La collection particulière en est le troisième, et il y en a encore d'autres. Donc la collection, c'est une notion générique, comme on le dirait aujourd'hui. Le trésor est une variante de la collection qui apparaît dans un contexte historique tout à fait précis, à savoir dans les monarchies sacrales, et pratiquement partout où nous connaissons des monarchies sacrales, que ce soit dans l'ancien monde, Mésopotamie, Égypte, Chine, ou le nouveau monde, chez les Mayas, chez les Aztèques, chez les Incas, partout où nous rencontrons des monarchies sacrales, nous trouvons aussi des trésors. Le trésor est à la fois un témoignage de la bienveillance de l'au-delà par rapport à celui qu'il représente ici-bas, pharaons, les grands doncas, les fils du ciel, les noms sont très divers. Donc, le trésor est un témoignage de sa bienveillance, mais c'est aussi ce qui devra être restitué. Comment on restitue une dette? Lorsque les monarques meurent, il prend une partie de son trésor avec lui, et grâce à quoi d'ailleurs nous pouvons en avoir aujourd'hui des vestiges dans nos musées. Et il utilise aussi ce trésor comme instrument de pouvoir, en distribuant les parcelles du trésor à son entourage. Pour illustrer votre propos, Christophe Pomian, avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Caroline Vran, bonjour. Bonjour David. Vous êtes archiviste, paléographe, conservatrice du patrimoine, chargée des estampes des 15e et 16e siècles à la Bibliothèque nationale de France. Vous devez vous régaler, vous évoluez dans un univers magnifique. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les collections d'art de François II et Anne de Bretagne ». François II, donc duc de Bretagne, hein, d'un trésor ducal à un trésor royal. Caroline Vran, quand vous écoutez cette réflexion sur la définition même du trésor, vous êtes complètement dans votre sujet. Quelles sont ces collections du duc de Bretagne? Alors effectivement, à la fin du Moyen-Âge, on parle aussi de collections princières, de collections royales, parfois aussi de trésors royaux. Les collections des ducs de Bretagne étaient particulièrement riches. Donc on connaît bien, grâce à des inventaires, les collections de François II, dont hérite ensuite sa fille, Anne de Bretagne. Les collections princières à cette époque, à la fin du Moyen-Âge, sont essentiellement constituées de ce qui constitue le mobilier, c'est-à-dire énormément de textiles, des tapisseries, de monumentales tapisseries historiées qui vont se décliner en 10 ou 12 pièces, des tentures, des soieries, les soieries de velours broché d'or qui recouvrent les lits. L'orfèvrerie également joue évidemment un rôle central dans les collections princières et royales de la fin du Moyen-Âge. L'orfèvrerie, c'est d'abord les arts de la table, puisque les réceptions, l'art de la table était un pan essentiel de l'exercice du métier de souverain. Également les reliques qui participaient à l'exercice de la dévotion privée. On trouve aussi à la fin du Moyen-Âge quelques tableaux peints, notamment dans les collections d'Anne de Bretagne, on y reviendra peut-être, également des ouvrages enluminés, des manuscrits enluminés. Christophe Pomian nous a bien expliqué que le musée tournait autour de la notion d'une chose publique, ouverte et qui n'est pas détenue par quelqu'un de privé. Donc évidemment, là, avec François II et Anne de Bretagne, nous ne sommes pas dans un musée. Évidemment, non. Malgré tout, il y a déjà une volonté de rendre accessible, évidemment pas à tout le monde, une partie de ses œuvres, non? Oui, tout à fait. Une des fonctions essentielles des collections princières, des collections de François II, des collections d'Anne de Bretagne, c'est de les donner à voir, c'est de les montrer, c'est de les exposer, c'est de les mettre en scène. C'est pour ça que le duc de Bretagne, la reine de France, collectionne les pièces les plus prestigieuses, achète les pièces les plus luxueuses, font apposer leurs armes sur les pièces. C'est pour pouvoir les présenter. Évidemment, pas à tout le monde, c'est les présenter aux hôtes de marque. C'est les souverains qui viennent, qui sont reçus dans les châteaux royaux. On a, l'époque d'Anne de Bretagne et de Louis XII, un très bon exemple avec la réception de l'archiduc d'Autriche, qui est très bien documentée. Et on voit, à cette occasion, le château de Blois, qui est entièrement tendu, entièrement redécoré, où la reine va exposer ses plus belles pièces, ses plus belles tapisseries, ses plus belles pièces d'orfèvrerie qu'elle fait redorer pour l'occasion. Donc il y a une volonté, d'une certaine manière, de partager ces collections, même si c'est évidemment de les partager avec un public à l'époque extrêmement restreint. Eh bien moi je vous propose de partager de très belles pièces. Nous allons visiter l'exposition Toutankhamon. Vendredi prochain s'ouvrira au Petit Palais l'exposition du trésor de Toutankhamon. Ce pharaon dont la tombe a été retrouvée intacte en Égypte dans la vallée des rois en 1922 par les Britanniques. L'exposition est un très grand événement car c'est la première fois qu'autant de chefs-d'œuvre du trésor de Toutankhamon quittent l'Égypte pour être exposés à l'étranger. Et c'est d'abord dans cet immense coffre-fort que nous allons pénétrer avec M. Abdelrahman, conservateur du musée du Caire, qui nous a donné cette autorisation exceptionnelle et qui nous accompagne avec Mme Desroches Noblecourt, commissaire générale de l'exposition, qui va nous présenter ce trésor. Ce trésor est en partie maintenant déposé dans les vitrines du Petit Palais qui prépare son inauguration dans quelques jours. Et vous voyez encore dans la pièce forte cette peinture murale que le petit Toutankhamon a contemplée dans sa jeunesse dans le palais de son père. Mais bientôt, vous allez emprunter avec moi le couloir qui mène à la tombe. La première salle de la tombe n'est pas reconstituée, mais évoquée par ce meuble que les Anglais virent en premier lorsqu'ils essayèrent d'apercevoir les trésors emmagasinés depuis 3500 ans dans les ténèbres. L'exposition Toutankhamon au Petit Palais, telle que présentée sur l'ORTF en 1967. Christophe Pomian, comment vous, qui portez un regard sur le temps long, sur l'histoire des musées, appréhendez-vous les collections? Alors c'est pas une collection, enfin c'est une forme de collection, c'est trésors antiques. Nous sommes évidemment loin des musées puisque dans une tombe, ces objets ne sont pas destinés à être vus. Pourtant, il y a une filiation. Quelle analyse faites-vous de ces accumulations de trésors ? Non, nous sommes à la fois loin du musée et près du musée. Les objets envoyés dans la tombe ne sont pas destinés à être vus par les humains, mais ils sont destinés à être vus par les habitants de l'au-delà. C'est un premier point. Deuxième point, comme il vient d'être dit d'ailleurs, les trésors étaient montrés à un certain public, parfois même à un public relativement large. Nous avons les descriptions des cérémonies à Alexandrie, où les trésors étaient promenés littéralement devant un public. De nouveau, ces publics n'étaient certainement pas composés des gens qui travaillaient la terre dans la vallée du Nil. Mais en tout cas, personnellement, je crois que dans l'idée même des collections, il y a aussi l'idée de montrer cette collection à quelqu'un. Ça peut être limité, ça peut ne pas l'être, mais l'idée d'un collectionneur qui est le seul et unique à contempler la collection qu'il a réunie me paraît relever un peu du fantasme ou peut-être de la pathologie. En tout cas, les collections que nous connaissons dans l'histoire ont toujours été vues par quelqu'un, même si le nombre des visiteurs était très restreint. Donc en ce sens, il y a déjà là une sorte de virtualité qui deviendra réalité plus tard lorsque justement l'institution du musée sera créée. Justement, à quel moment situez-vous la création du musée ? Alors, évidemment, il y entre une part des conventions, mais nos grands maîtres de la fin du XIXe siècle, les Münz, les Michaelis, ont fixé la création du musée au 15 décembre 1471, lorsque le pape Sixte IV offre, selon l'inscription qui est toujours au Capitole, au peuple romain les témoignages de son ancienne gloire et son ancienne vertu, ce qui veut dire un certain nombre d'antiques. Il y en avait plus d'une dizaine, qui appartenait à la papauté, qui auparavant s'est trouvé devant les palais de Latran, et qui sont transmis, et là c'est un point important, de la sphère sacrée papauté à la sphère profane. Les autorités de la ville de Rome appelaient pompeusement le Sénat à l'époque. Et donc, le pape offre au Sénat et au peuple romain ces antiques qui seront exposés dans dans un, désormais dans un endroit profane. Et c'est le premier cas de ce type que nous connaissons. Alors, il n'en résulte pas que Sixte IV était un créateur de musée. Il n'avait pas la moindre idée. Il avait son problème politique à résoudre des relations entre la papauté et la ville de Rome, assez détériorée par son prédécesseur Paul II, par ailleurs un grand collectionneur, mais il a fait un geste auquel la postérité a donné cette signification-là. Et 50 ans plus tard, c'est dans ce contexte que le mot musée sera utilisé. Le mot musée qui apparaît. Alors, ce mot musée apparaît 50 ans après 1471. Nous sommes dans cette période sublime de l'humanisme. L'occasion de croiser André Malraux. L'humanisme, ce n'est pas dire ce que j'ai fait, aucun animal ne l'aurait fait. C'est dire, nous avons refusé ce que voulait en nous la bête, et nous voulons retrouver l'homme partout où nous avons trouvé ce qui l'écrase. Sans doute, pour un croyant, ce long dialogue des métamorphoses et des résurrections s'unit-il en une voie divine, car l'homme ne devient homme que dans la poursuite de sa part la plus haute. Mais il est beau que l'animal qui sait qu'il doit mourir arrache à l'ironie des nébuleuses le chant des constellations et qu'il le lance au hasard des siècles auxquels il imposera des paroles inconnues. Dans le soir où dessine encore Rembrandt, toutes les ombres illustres et celles des dessinateurs des cavernes suivent du regard la main hésitante qui prépare leur nouvelle survie ou leur nouveau sommeil. André Malraux avec sa voix incroyable qui lit un extrait des Voix du silence publié en 1951. Pas de contresens, l'humanisme dont parle Malraux tient plutôt du caractère de ce qui est humain que de l'humanisme tel que l'on l'entend à la Renaissance. Christophe Pomian, dans ce que dit Malraux, il y a l'homme, la création humaine au cœur de la réflexion et le temps, cette création qui doit durer dans le temps. Pourquoi, à ce moment-là, à la fin du XVe siècle, XVIe siècle, la définition même de ce qu'est une collection qui peut devenir publique s'impose peu à peu ? Parce que les élites de la chrétienté latine, et en particulier dans les villes italiennes, mais aussi dans les villes rhénanes et flamandes, ces élites sont fascinées par l'Antiquité parce que la collection particulière et qui est centralement une collection d'Antiquité se propage dans ces milieux depuis les milieux du XIVe siècle suivant les grands exemples des Pétrarques et que donc la collection devient une chose familière à un certain milieu intellectuel, qui c'est une toute petite élite, nous les connaissons nominativement tous. Et puis il y a les phénomènes parallèles dans les cours princières à partir du roi Charles V, roi de France, dont je pense qu'il a été le premier roi collectionneur et non pas seulement propriétaire du trésor. Cette idée de réunir justement des antiquités et dans les cas des princes aussi des tableaux, plus les différentes choses qui faisaient partie du trésor, mais dont certaines même les faisaient un peu marginalement, comme les pierres gravées par exemple, qui sont un objet central. Donc il y a un milieu, ou plutôt deux milieux qui d'ailleurs se rencontrent, se croisent, les humanistes sont au service des princes, et c'est dans ce bouillon de culture qu'apparaît probablement une sorte de désir confus et au départ inexprimé d'avoir de rendre public les collections qui jusqu'alors étaient des collections particulières. C'est dans ce bouillon de culture qu'évolue Anne de Bretagne également. Caroline Œuvrant, vous êtes autrice de cet ouvrage, Les collections d'art de François II et Anne de Bretagne, d'un trésor ducal à un trésor royal. C'est la particularité de cette démarche qui est intéressante. En quoi François II, duc de Bretagne, et sa fille Anne de Bretagne sont-ils spécifiques dans leur volonté de mettre en place une collection? Ou alors, est-ce que leur trésor est quelque chose de très banal, quelque chose que tout grand seigneur doit suivre, faire, adopter? Alors, il y a un peu des deux en réalité. Christophe Pomian parlait à l'instant de la collection de Charles V. On est à l'époque de Charles V, donc vers 1400. Vers 1400 dans le Royaume de France, c'est effectivement une période d'extraordinaire essor des collections royales et princières. C'est une période de grande stabilité politique, de richesse pour le royaume. Et les princes, le roi, ses frères, se mettent à collectionner des œuvres d'art comme jamais les rois et la cour ne l'avaient fait auparavant. Ensuite, tout cela est freiné par un contexte politique interne troublé, avec un roi Charles VI qui est un roi qui rapidement fait preuve de démence. Il y a des conflits internes, des guerres civiles, le conflit contre les Anglais, évidemment, la guerre de Cent Ans. Donc toutes ces collections extraordinaires des années 1400 vont en fait disparaître, elles vont être assez rapidement dilapidées. Et la grande force de François II, donc héritier des ducs de Bretagne des années 1400, c'est de récupérer, il est l'héritier de la collection ducale de Bretagne qui, à la différence de la collection du roi de France et des princes de Fleur-de-Lys, n'a pas été dilapidée. Donc la collection de François II, dont on a un aperçu grâce à un inventaire qui date des années 1472, des années 1470-75, pardon, est extrêmement riche et on retrouve tous les joyaux d'orfèvrerie émaillés avec tout un tas de techniques d'émaillerie extrêmement complexes qui avaient fait la particularité des années 1400 et qu'on ne retrouve quasiment nulle part ailleurs à la fin du XVe siècle en dehors de la cour des ducs de Bretagne. Et la particularité d'Anne de Bretagne ensuite, qui est donc la fille de François II, à la mort de François II en 1488, elle devient la duchesse de Bretagne. Elle hérite donc de cette collection. Alors cette collection va à ce moment-là être elle aussi subir quelques dommages puisqu'on est dans un contexte de guerre qui oppose la Bretagne et le Royaume de France. Donc les collections ducales vont être en grande partie pillées, mais ensuite Anne de Bretagne épouse le roi de France et c'est un nouvel élan pour l'ancienne collection ducale qui devient donc peu à peu collection royale. D'une part, elle va avoir l'occasion de racheter certains joyaux qu'elle avait dû mettre en gage pour financer la guerre contre le roi de France, qui depuis est devenu son époux. Et d'autre part, Anne de Bretagne va, à la mort du roi de France, Charles VIII également, hériter des collections du roi de France. Et par le hasard de l'histoire, dans cet héritage, il y aura à nouveau le noyau ducal breton, puisque Charles VIII avait lui aussi pillé le château de Nantes et les collections ducales de Bretagne. Donc c'est une histoire assez complexe, mais in fine, on peut dire que Anne de Bretagne, vers 1500, elle est détentrice d'une collection qui est très importante pour l'époque, qui est la plus importante du Royaume de France. La collection d'Anne de Bretagne vers 1500 est plus riche que la collection du roi de France, qui est alors Louis XII, parce qu'elle est l'héritière de la collection de Charles VIII et de la collection ducale de François II. Oui, rappelons aussi le destin extraordinaire d'Anne de Bretagne, parce qu'elle a été fiancée mais à des gens illustres avant de se marier, bien déjà à Charles VIII et puis à Louis XII. Oui, filles à marier, attention, nous partons à la cour de Bretagne. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. À marier, musique à la cour de Dan de Bretagne en 1505 par l'ensemble Claude Gervaise dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Marie Placé avec aujourd'hui à la technique Laurie Vachon. Nous nous trouvons à la cour d'Anne de Bretagne. Nous constatons que le trésor est formidable, sidérant. Mais dites-nous, Christophe Pomian, quelle place ont ces trésors autour des grands aristocrates, voire des souverains, dans l'histoire du musée? Nous pouvons noter des différences entre le trésor du souverain lui-même et le trésor des gens qui l'entourent. Mais il y a ici un élément quand même qui nous permet de comprendre comment, peu à peu, nous nous approchons du musée tel que nous l'envisageons. Ces trésors, petit à petit, mais ça prendra beaucoup de temps, vont devenir des musées. On le voit peut-être le mieux, cette transition, ces passages, non pas dans l'histoire de la cour de France, mais dans l'histoire de la cour d'Espagne, de la branche des Habsbourg d'Espagne, avec Philippe II, qui est lui-même un très grand collectionneur, éduquée par ses tantes, d'ailleurs, qui, elle, était collectionneuse, elle aussi, et qui hérite des collections qui ont commencé avec Isabelle la Catholique, avec Marguerite d'Autriche. Et ces collections, pour ce qui est des tableaux en particulier, parce qu'elles aussi ont subi des dilapidations et beaucoup, beaucoup de vicissitudes. Mais pour ce qui est de la collection des tableaux, que nous connaissons les mieux parce que les inventaires nous permettent de suivre les tableaux à la trace, si je peux dire, ces collections des tableaux sont aujourd'hui au Prado. À la cour d'Espagne, cette accumulation s'est faite grâce à l'activité de plusieurs rois collectionneurs. Philippe II en était un, il y en avait d'autres après lui. Et malgré les changements des dynasties, lorsque les Bourbons arrivent à la place des Habsbourg, de ce point de vue-là, rien n'échange. La collection est là, elle reste là. Elle donnera naissance au début du XIXe siècle au musée du Prado. Donc il y a un lien, très souvent un lien direct, qui va se réaliser sous des formes différentes, entre les grandes collections dynastiques, qu'il s'agisse des Habsbourg d'Espagne, qu'il s'agisse des Habsbourg d'Autriche, qu'il s'agisse des Bourbons de France, pratiquement à partir de Louis XIV, parce qu'il y a une longue interruption dans l'histoire des collections à la cour de France, entre François Ier et Louis XIV, avec un petit intermède d'Henri IV, mais passons. L'Angleterre mise à part, où la collection royale n'est pas au départ du grand musée national de la peinture ou des beaux-arts, en général c'est comme ça que ça se passe. Donc il y a un lien direct entre les trésors princiers et royaux qui petit à petit deviennent d'abord des collections publiques qui sont plus ou moins montrées au public, ça, c'est de nouveau, c'est très variable. En France, entre 1750 et 1778, une partie de la collection royale des tableaux est exposée au public au palais du Luxembourg. Mais ce n'est pas partout comme ça que ça se passe. À Madrid, c'est différent. À Vienne, la collection est exposée d'abord dans les anciennes écuries et ensuite dans les palais du Belvédère. Là aussi, c'est la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc, comme je dis, il y a une ligne directe entre les trésors princiers et les musées. Le musée, une histoire mondiale. Christophe Pomian, vous avez cette réflexion pertinente qui est formidable d'ailleurs parce que ça nous permet de saisir votre démarche. Vous dites que le musée est inutile et c'est vrai que nous n'avons pas besoin de musée pour vivre. Nous n'avons pas autant besoin de voir des tableaux que de manger du pain. Mais il demeure indispensable. Et c'est la grande question. Peut-on poser cette question également pour les collections des rois ou des grands aristocrates dès la fin du XVe siècle, le XVIe siècle? Ces collections, en vérité, ne sont pas utiles, mais elles sont indispensables. Pardon, vous posez la question à moi? Oui, à vous. Excusez-moi, Christophe Pomian. Non, parce que nous sommes deux, et donc j'ai pensé... Bon, alors ma réponse sera extrêmement simple. Oui, ces collections sont indispensables pour diverses raisons. C'est les statuts qui l'exige. Les rois doivent s'entourer de tout ce qu'il y a de plus beau et un prince doit s'entourer selon ses moyens aussi de tout ce qu'il y a de plus beau. Voilà, et à part ça, les trésors servent encore à cette époque aussi à récompenser les fidèles, même si petit à petit la séparation s'opère entre les trésors composés des œuvres d'art et les trésors au sens économique de ce terme. Eh bien, illustration justement sur la fascination que pouvaient exercer ces trésors et qu'ils exercent toujours, nous partons directement nous installer sur une table sublime. Il mangeait dans les plus beaux vases anciens. Et ainsi, toute sa table était pleine de vases en porcelaine et d'autres vases les plus ornés. Ce en quoi il buvait, c'était des coupes en cristal et autres pierres fines. À le voir à table, tel un ancien, c'était un plaisir. Il exigeait toujours que les nappes qu'il avait fussent les plus blanches, et de même les autres toiles. Et comme Niccolo était connu dans le monde entier, quiconque voulait lui faire un cadeau, lui envoyait les statues de marbre ou les vases faits par les anciens, les sculptures, les épitaphes de marbre, les peintures de la main de maître singulier, et plusieurs choses en mosaïque. Il avait l'Italie et l'Espagne tout en peinture. Il n'y avait pas de maison à Florence qui fussent plus décorée que la sienne et où se fussent trouvées des choses plus raffinées. Et chacun en y allant, y voyait dans chaque domaine des innombrables choses de valeur. Vespasiano da Bisticci qui nous décrit la table de Niccolò Niccoli, érudit florentin. Nous sommes en 1482. Caroline Vran, 1482, Anne de Bretagne est toute jeune, elle a 5 ans. Elle a 5 ans, sa table n'est peut-être pas encore ainsi. Pourtant, dans la volonté d'Anne de Bretagne et de son père, François II, d'accumuler les trésors, il y a une démarche sociale, une volonté de distinction. Comment se construit-elle ? Alors évidemment, les collections royales et princières à l'époque ont une très forte dimension ostentatoire. Elles sont à ce niveau-là indispensables, puisque indispensables à l'expression du pouvoir princier, indispensables à l'exercice aussi du métier de roi, du métier de duc. Et je voudrais d'ailleurs revenir sur la question d'utilité, et comparer la notion d'utilité entre les collections d'art actuelles et les collections d'art anciennes. Donc, vous l'avez dit, aujourd'hui, on dit que le musée et les collections d'art sont à la fois indispensables mais inutiles. Et c'est peut-être la grande différence avec ces collections royales et princières de la fin du Moyen-Âge qui qui sont utiles dans le sens où elles sont utilisées au quotidien, elles sont nécessaires à la vie quotidienne. C'est comme on vient de l'entendre dans l'extrait que vous venez de passer, les vases et les pièces des arts de la table grâce auxquelles on mange et on boit. C'est la couverture sous laquelle on se glisse dans le lit. Ce sont des objets d'art extrêmement luxueux et fastueux, mais qui en même temps prennent part à la vie quotidienne et à l'utilité quotidienne. Mais je ne suis pas certaine d'avoir répondu à votre question de l'instant. Bah si, vous y avez répondu sur la volonté, par ces collections, de se montrer, de montrer peut-être sa richesse, sans doute, mais aussi de son goût. Et dans cette volonté de distinction, l'histoire elle-même des musées nous permet de comprendre la diffusion de ces établissements. Christophe Pomian, les musées naissent en Italie à la fin du XVe siècle. J'allais dire, comment se propagent-ils en Europe? Comment se développent-ils? Là aussi, les questions de distinction, j'ai l'impression que chaque nation ou chaque souverain a peu à peu besoin d'avoir son musée. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, les musées restent italiens jusqu'au dernier tiers du XVIIe siècle, où petit à petit, des musées apparaissent à l'extérieur de l'Italie. D'abord, d'ailleurs, ce ne sont pas du tout des musées d'art. L'Ashmolean Museum à Oxford, un des premiers, était un musée d'histoire naturelle, disons, pour faire vite. À Bâle, c'est la même chose, c'est une collection essentiellement d'histoire naturelle et aussi d'objets historiques. Mais à mesure que qu'en Italie, et notamment à Rome, les musées acquièrent une grande visibilité à Rome, à Florence, qui est le deuxième endroit. Les musées vénitiens est moins visible peut-être à cette époque, ou celui de Milan, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, même en Italie, pour ce qui est des musées d'art. On veut faire comme les Italiens. Il y a cette phrase attribuée à Colbert, je n'ai jamais vérifié s'il l'a vraiment prononcée, il nous faut avoir tout ce qu'il y a de beau en Italie. Cette idée, que Colbert ait prononcé cette phrase ou non, mais l'idée elle-même est dans l'air à l'époque, dans toutes les cours princières. Et il y a une sorte de rivalité aussi pour la possession des œuvres d'art, pour le travail des artistes, à partir d'un certain moment, la possession des musées. Christophe Pomian, justement, dans le musée Une histoire mondiale, vous consacrez toute une partie à cette traversée des Alpes. C'est ainsi que vous appelez la traversée des Alpes. Et nous sentons que c'est un moment essentiel quand le musée quitte l'Italie. Mais quand il quitte l'Italie, il trouve d'autres formes d'accumulation de trésors. Christophe Pomian, c'est notamment le moment où Anne de Bretagne, nous en parlions tout à l'heure, réunit ses trésors. Que signifie cette traversée des Alpes ? Pardon, que signifie cette traversée des Alpes ? Mais elle signifie tout simplement l'arrivée du musée dans des sociétés, dans des milieux où il était absent. C'est très important parce que le nombre de personnes qui pouvaient se payer les voyages en Italie était quand même très très limité. Il y a énormément de gens qui connaissent les œuvres d'art qui sont en Italie uniquement par des estampes. Et donc, le fait que des collections princières soient mises à la portée du public, encore une fois extrêmement restreint, mais public quand même, est un fait culturel de première importance. Et bien justement, nous allons visiter la galerie de Dresde en 1770. quand on y est, il est difficile d'en sortir. Il y a un inspecteur et les gardiens, tous des plus honnêtes, avec liberté à tout le monde d'y dessiner, copier ce que l'on veut. Rien n'est plus glorieux à un prince que de se prêter ainsi au progrès des arts. J'en ferais bien honte à quelques soi-disant princes romains qui tiennent les tableaux enfermés en mauvais état, les laissant dépérir sans être de la moindre utilité aux arts. Et cela de ce qu'ils n'y connaissent rien et de leur parfaite ignorance. Bergeret de Grandcourt, dans son journal inédit d'un voyage en Italie, raconte sa visite de la galerie de Dresde. C'est une lecture dans le cours de l'histoire par Élodie Hubert. Et là, nous avons ici des éléments qui nous rassurent sur ce qu'est un musée. Christophe Pomian, dans la construction intellectuelle du musée, tels que nous l'avons aujourd'hui, des éléments se mettent peu à peu en place et ils sont essentiels. Il y a le gardien, il y a les conservateurs, le mot n'est pas encore utilisé, mais des inspecteurs, des spécialistes. Il y a une économie globale qui se construit peu à peu autour du musée et cela aussi donne la définition de ce qu'est un musée. Tout à fait. C'est-à-dire, il y a toute une administration. C'est l'administration culturelle qui a d'ailleurs des longues racines parce que dans une ville comme Venise, une administration culturelle existe depuis le Moyen-Âge, qui gère les reliques en particulier, mais pas seulement. Mais cette administration se spécialise au cours du 16e, 17e, 18e siècle dans la gestion des collections. Et ça signifie beaucoup de choses. Il faut restaurer les œuvres, il faut les conserver, il faut les exposer, savoir les exposer. Et l'art de l'exposition, c'est une composante essentielle du travail d'un conservateur. Savoir montrer, ça va évoluer évidemment dans le temps. Et il faut aussi savoir acheter, faire des acquisitions pour les collections, contrôler les publics. Donc il y a tout un milieu professionnel qui se forme autour de ces collections qui deviennent publiques et qui ne peuvent devenir publiques d'ailleurs que parce qu'il y a tous ces milieux qui s'occupent de leur préservation. Et trouver un objectif, une utilité au musée. Et c'est vrai que pendant longtemps, il y a cette argument de dire que le musée est là pour l'étude. Dans l'idée que nous avons aujourd'hui du musée, qui est un lieu d'édification, mais aussi de plaisir esthétique, nous pouvons identifier une histoire. À quel moment, Christophe Pomian, a-t-on ce musée tel que nous le connaissons aujourd'hui, ce musée qui n'est plus simplement réservé à une élite de la finance, une élite de l'argent, une élite du pouvoir ou une élite intellectuelle, mais un musée qui se démocratise? Le premier pas, dans la démocratisation du musée est fait par la Révolution française, avec l'ouverture du Louvre en 1743, même si les gens de la ville pouvaient entrer au musée au début qu'une fois par une journée par semaine, le reste étant réservé aux artistes et aux étrangers qui voulaient visiter. La profonde démocratisation du musée commence au milieu du 19e siècle en Angleterre, dans les sillages de l'exposition universelle de Londres de 1851, se crée le musée qui va s'appeler South Kensington Museum avec, et qui deviendra le Victoria and Albert d'aujourd'hui, qui est, je dirais, le premier musée pensé par son créateur, Henry Cole, comme un musée démocratique, à telle enseigne d'ailleurs que Cole fait un accord avec une compagnie d'omnibus pour que l'omnibus ait un arrêt juste devant l'entrée de son musée. ce qui montre à quel public il s'adresse, non pas aux gens qui viennent en calèche, mais aux gens qui viennent dans un omnibus. Donc, et puis le deuxième grand pas de la de l'histoire de la démocratisation du musée se joue aux États-Unis. C'est une assez longue histoire, donc je ne vais pas la raconter. Non, mais d'autant mais en tout cas, les États-Unis sont un lieu, sont un des pays où les musées se démocratisent très profondément, et c'est sous cette forme qu'il va revenir en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Le musée Une histoire mondiale, le premier volume, Christophe Pomian, est consacré du trésor au musée, mais trilogie, il y en a d'autres à venir. C'est en cela que c'est passionnant, cette histoire à raconter. Et pareil, Caroline Vran, vous avez étudié les collections d'art de François II, duc de Bretagne, et d'Anne de Bretagne. Là aussi, ces musées n'avaient pas du tout, enfin ces musées, ces collections n'avaient pas vocation d'être un musée. Et pourtant, par le fait, ces collections sont visibles. Elles sont dispersées, c'est tout. Oui, oui, oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant aussi dans les collections, dans le statut des collections dans le duché de Bretagne et Anne de Bretagne hérite d'une certaine manière de cette conception, c'est qu'il y a quand même la volonté de conserver la collection. Dans le duché de Bretagne, les collections d'orfèvrerie étaient gérées par une institution bien particulière qui s'appelait la Trésorerie de l'Épargne. Et quand on regarde les inventaires de cette Trésorerie de l'Épargne, on voit qu'il y a un souci constant de la part des ducs de Bretagne de toujours rassembler la collection. Et notamment, ils vont toujours s'efforcer de racheter les joyaux qui auront été mis en gage par les prédécesseurs. Et ça, Anne de Bretagne est pleinement, en tant que reine de France, et aussi l'héritière de cette tradition ducale. François II, en 1488, rachète des objets qui ont été mis en gage plus de 70 ans auparavant, vers les années 1400. Anne de Bretagne, à son tour, vers 1503, va racheter des objets qui avaient été, des joyaux qui avaient été mis en gage par François II en 1488. Donc, à la cour ducale, il semble y avoir un début d'attachement à la conservation, si on peut dire, à la conservation et à la transmission du trésor ducal. Et maintenant, ces trésors sont dans les collections publiques, mais il faut les chercher. C'est un véritable jeu de piste, mais ce jeu de piste est passionnant. Merci beaucoup, Caroline Vran. Je rappelle les collections d'art de François II et Anne de Bretagne, d'un trésor ducal à un trésor royal aux éditions Duc de Bretagne. Et puis, Christophe Pomian, merci vivement à vous. Le musée Une histoire mondiale du trésor au musée, c'est chez Gallimard. Et très vite, la suite, les autres volumes. Mais pour le moment, dans le cours de l'histoire, nous retrouvons Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'histoire, le procès de la prostitution forcée pendant la Seconde Guerre mondiale. L'État japonais conteste sa condamnation à dédommager 12 femmes coréennes contraintes à travailler dans les bordels de l'armée impériale pendant la Seconde Guerre mondiale. Le tribunal a retenu que cette exploitation sexuelle organisée relevait d'un acte illégal contre l'humanité et que le défenseur a l'obligation de compenser les victimes pour le préjudice mental. Le Japon rejette cette condamnation, arguant que le traité de 1965 et un accord de 2015, associés à de très officielles excuses, constituaient déjà le règlement du dossier des femmes de réconfort. Près de 1000 manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade du Japon en Corée du Sud. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée impériale japonaise a enrôlé de force près de 200 000 femmes coréennes, mais aussi chinoises ou indonésiennes, pour devenir esclaves sexuelles dans les maisons closes de l'armée. Ces femmes étaient surnommées les dames de réconfort. Si le Japon avant était sourd, maintenant il peut entendre. Si le Japon avant était aveugle, maintenant il peut voir. Ce dossier des femmes de réconfort perturbe les relations entre les deux pays, avec un accroissement des tensions depuis l'élection à la présidence sud-coréenne de Moon Jae-in. Depuis son accession au pouvoir en 2017, cet avocat spécialiste des droits de l'homme a dénoncé l'accord de 2015 dont les négociations s'étaient déroulées sans associer les victimes. En effet, sous la présidence précédente, les autorités sud-coréennes avaient considéré l'accord de 2015 comme définitif et irréversible, malgré leurs protestations. Mais comme le rappelait à ce moment-là Pierre-François Souéry dans le magazine L'Histoire, les comptes sont loin d'être soldés dans ce dossier des femmes de réconfort. un euphémisme pour désigner les 200 000 jeunes femmes raflées par l'armée japonaise pour servir de prostituées en Corée, mais aussi en Chine et en Asie du Sud-Est, durant la guerre d'Asie-Pacifique entre 1931 et 1945. Si toutes les armées en campagne ont provoqué, créé ou utilisé à des degrés divers une prostitution qu'elles ont, selon les cas, contrôlée directement ou laissée se constituer en dehors des camps ou des bases militaires, les bordels militaires ne sont pas une spécificité japonaise, loin de là. Mais le cas des femmes de réconfort relève directement de l'esclavage sexuel systématique et organisé par les autorités japonaises. Qualifiant cette armée de plus grande institution proxénète et esclavagiste que le monde ait sans doute jamais connue, l'historien précise que ce système était accompagné d'un discours hygiéniste développé par des autorités qui cherchaient à rentabiliser l'ardeur combattante des soldats. Cité par Le Monde et l'AFP, Kim Dae-wol de la Maison du Partage, une organisation de soutien aux victimes, affirme que ce qui les motive aujourd'hui, ce ne sont pas les compensations financières, mais que le gouvernement japonais informe ses citoyens des atrocités qu'il a commises. Une dette historique qui ne se payera donc pas seulement en argent. Effectivement, Anaïs Kien, les dettes historiques ne se payent pas seulement en argent. Le journal de l'histoire est à retrouver sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. Voir et montrer cette semaine, nous sommes au musée. Oui, puisqu'ils nous manquent et qu'ils nous attendent et que nous les attendons. L'art d'exposer les œuvres a une histoire, celle des collections, des trésors, celle des musées, parce qu'il nous raconte, il raconte la nation. Et dès demain, nous allons évoquer les musées en temps de guerre dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrens, Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter et à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France.